et bienvenue pour cette seconde interview sur Kukurama. De nouveau, nous accueillons aujourd'hui un créateur de BD, une BD au doux nom de La Cuisine de Tiffany. Pour avoir déjà parlé avec cette personne, c'est un vrai connaisseur de BD. Et si on le laisse faire, ce podcast durera environ 3h30 et vous demanderez si le Tintin dans votre bibliothèque est vraiment une BD. Bon, allez, il est temps de l'accueillir et cet invité, c'est Julien aka Jugras. Salut à toi. Salut, c'est le Kukurama. Ça va bien? Je voudrais même le faire comme ça. Ouais. Kukurama. La carte zéro à l'époque, dans le Zérorama. Donc voilà. Et bonjour à tous, bonjour les internautes. Surtout les filles, ouais. Ça va? T'as l'air en forme, hein, t'as l'air bien parti. Cool, ça va. Bah, je me suis levé à 12h30, voilà, c'est l'heure normale d'un lever pour un dessinateur de BD. Donc, c'est le week-end en même temps. Hein, et c'est... en plus, il y a du soleil. Donc, quand on est du côté de la Côte d'Azur, il y a encore un plus. Et bah, même dans le nord, il y a du soleil. Donc, voilà. Oui, pareil, un jour il neige. Bon, on va commencer un petit peu. Tu peux te présenter un peu brièvement à ceux qui t'écoutent. À ceux qui m'écoutent, ben je suis un passionné de bande dessinée. Je traîne ça depuis qu'Obélix est tombé dans une potion de potion magique, dans une marmite de potion magique. Voilà, et donc ben, mon parcours, ça a été les beaux-arts, voilà, pendant au moins 4 ans. Et puis après, on se lance comme on peut entre l'art et la bande dessinée, et puis les deux, et puis... j'ai fait un petit parcours, disons que là, un peu guillemets, genre journalistique. Ouais, d'ailleurs, tu peux en parler, hein, de ce parcours. Ben, disons que j'ai croisé à l'époque de la première Star Academy. Tu vois, si tout le monde était anti-Jean Pascal, l'agitateur. Frédéric Vignal, donc le fondateur bien-aimé du MAG, que j'ai pu retrouver un jour de 2004 après, pour le rejoindre. Et au début, je faisais juste des dessins pour faire la couverture d'entrée du site. Et puis après, j'ai commencé à parler de bandes dessinées, à chroniquer des bandes dessinées. Et ça m'a rendu célèbre auprès des auteurs que je croisais régulièrement, enfin du moins une fois par an, au festival de la bande dessinée de Solesville. Voilà, donc c'est ça tout un peu mon parcours qui jalonne la bande dessinée, avec entre autres un passage sur un site que je ne citerai pas, qui m'a viré au bout de même pas 2 mois, enfin viré, j'étais bénévole quand même, et ça m'a permis d'être aperçu par le bien-aimé Eric Nolo. Et je lui ai proposé de dessiner pour ses éditos dans l'émission Ça balance à Paris. Donc ça a été une première expérience télé depuis chez moi, où j'envoyais les dessins, disons, à 3 heures avant le tournage. Ouais. Donc, le texte arrive. Ouais, quand même. D'ailleurs, ouais, cette expérience de la télé, c'est quand même assez particulier, quoi. Ce dessin hebdomadaire à faire ou assez vite, quoi. C'est une certaine pression à adopter. Enfin, comment tu gérais ça? Déjà, Eric Nolo écrit très bien. Et comme j'avais l'habitude déjà de me moquer de tout ce qui était littérature au niveau de certains dessins sur le site que je ne nommerai pas. Voilà, donc c'était facile. C'était facile. Eric Nolo, voilà, c'est une très belle écriture. Moi, je kiffe les écritures qu'écrit Eric Nolo. Rien que lorsqu'il me fait un email, mais je me régale, je le lis 50 fois d'affilée. Le sujet est clair et net, précis. Quand c'est bien écrit, quand c'est bien fait, ben, le dessin il tombe tout seul. Il n'y a pas besoin de réfléchir pendant 20 ans. Moi, en plus, j'ai un dessin qui est instinctif. À ce niveau-là, quand c'est un dessin qui est fait, on va dire, en direct, donc tout de suite, je me mets sur ma tablette graphique, et puis ça y va, ça part, l'idée fuse. Et voilà, après, j'ai plus qu'à l'envoyer à Eric, et qui transmet à la production, si elle veut bien le passer des fois, parce qu'il est arrivé qu'il y ait des oublis, ou qu'on oublie mon nom, j'étais moins bien traité que Nabila. C'est moche. Ouais. C'est un peu moche. Ça passe moyen, hein, ça passe moyen. Quand tu te dis, ouais, bon, bah, cette cruche là elle passe mieux que toi, c'est pas terrible. Non, c'est moi, disons qu'au moins on n'a pas oublié de mettre son nom quand elle passe à l'antenne ou quoi. Ouais. Le dessin, bah, des fois ils passaient pas, ils oubliaient alors que l'émission était enregistrée, montée. La dure loi de la télé, quoi, c'est un peu ça. Moi l'expérience avec Eric était vraiment excellente. Ouais, reste bénéfique. C'est toujours en contact et on a peut-être un projet à faire ensemble là. On avait commencé un truc et puis j'arrivais pas trop. Ouais. Et parce qu'il voulait changer les noms et moi je voulais pas changer les noms des écrivains. Je voulais garder le nom de l'écrivain même. Et ouais. Ah, mais là on va voir. Il a une idée en tête sur l'histoire du livre et on verra ça dans un futur proche ou peut-être lointain. On reparlera, quoi. Au pire on te réinvitera, il n'y a pas de souci. Voilà, au pire. Vu que t'es un passionné de BD, tu peux dire un peu exactement, enfin exactement, peut-être pas exactement, sinon ça va très trop longtemps. Hein. Mais en gros, okay, tes grosses influences, enfin les dessinateurs qui sont vraiment, allez, on va dire des modèles ou des idoles, ou, enfin, on va peut-être pas aller dans les poncifs, mais ceux que t'aimes bien, quoi. Disons que j'ai un dieu, il s'appelle Franquin. Bien que quand j'ai commencé à lire les bandes dessinées, mes premières, c'était Pif Gadget. Et donc on découvre quelqu'un comme Claudio Arnal, le premier dessinateur de Pif. Voilà, donc c'est des premières influences pour commencer à dessiner. Et bien sûr, il y a Pio. Et puis on découvre Franquin, et on tombe amoureux de Franquin, on découvre Gottlieb, et on est amoureux de Gottlieb. Voilà, ça va déjà de là pour le principal. Bien qu'aussi j'adorais aussi quelques comics américains que je lisais alors que je ne savais pas encore vraiment lire. Les comics américains, voilà, t'as les Spider-Man donc par Jack Kirby, et puis Buscema ou John Romita Jr. Ou d'autres éditeurs italiens qui ont dessiné pour la Marvel à cette époque-là, dans les années 80-90. Donc voilà, mais là j'arrivais pas à dessiner comme eux. Donc voilà, je me réfugiais chez les franco-belges, Franquin, Lambil, Gottlieb. Ouais. Et après, quand je suis ado, on découvre Edika, Dany qui fait ses BD coquines, etc. Ouais, c'est ado, hein. Ouais, forcément. Donc, on va enchaîner avec ta BD. On va en parler un petit peu, vu que t'es un peu là pour ça, quoi. Donc, ton projet en ce moment, c'est La Cuisine de Tiffany, qui est disponible à l'adresse donc www.cuisinedetiffany, Tiffany avec deux F et un seul N, .illustrateur.org. On mettra le lien de toute façon en dessous. Pourquoi ce thème de la cuisine? Ça a débuté quand, j'en avais marre de faire des illustrations sur la culture, sur la littérature. Et je voulais me moquer de la cuisine. Je voulais faire ce que je faisais pour la littérature, pour la cuisine, essayer de chercher un peu les mauvaises critiques culinaires où il n'y avait pas des clashs entre le chef peut-être du Crillon et le chef. Du Fouquet, un truc comme ça, voilà, chercher des infos un petit peu comme ça pour essayer de dessiner, de me moquer du monde de la cuisine. Et je savais que c'était tendance, en plus, je regardais maintenant un peu moins sur le câble la chaîne Cuisine TV, maintenant ça s'appelle Cuisine Plus, voilà, et d'un coup, voilà, j'avais envie et je ne trouvais rien. Je ne trouvais aucun site, ni blog, ni machin qui pouvait raconter des clashs entre les chefs. Je n'ai pas trouvé le Eric Nolo de la cuisine, en fait. Donc, du coup, j'ai un peu abandonné le truc. Et puis, en tweetant sur Top Chef, sur la saison 3, je croise sur Twitter donc une des candidates et je lui dis écoute, j'ai une idée, on va faire un truc ensemble parce que t'as l'air marrant quand tu tweets, ça me donne envie d'illustrer ce que tu dis, faisons une BD culinaire, voilà, avec toi comme personnage. Alors j'ai commencé à la dessiner, à la simplifier encore au plus, et jusqu'à arriver à avoir une petite maîtrise, voilà, c'est né comme ça. Donc elle a commencé à m'écrire des tweets vraiment sur les techniques de la basique de la cuisine avec un peu d'histoire de la comment cuire les pâtes. Pas encore, non mais je vais y penser, j'ai pas encore fait les pâtes. Tu me fais une idée là, sur les pâtes à dites al dente, on va voir un jour un peu, j'ai fait un peu tout ça. tu disais que tu voulais abandonner un peu cet aspect culturel tout ça, mais il reste quand même pas mal de références, je voyais sur certaines cases, par exemple, sur certaines publications, par exemple, il y en a une où tu mets en style un peu comics avec les petits, enfin le récit mis en encadré, où il y avait la présence du personnage de Walter Bishop de la série Fringe que j'adore, donc forcément tu m'as fait plaisir en mettant Walter Bishop, ou même je crois qu'il y a un épisode où c'est un peu directement un peu influencé par Le Parrain, quoi. Donc il reste quand même un petit aspect culturel avec des références, non? Oui, non, mais ça c'est la culture, c'est cinéma et télé qu'on trouve dans beaucoup de BD. Non, tu parles de culture que je faisais avant sur un site qui traitait de la littérature même. Dont tu ne veux pas parler. Je ne parlerai pas parce que jamais. Non plus jamais. Dont ils m'ont viré, c'était passé, c'était médiocre, comme me dirait Eric Nolo. Quand je lui en ai parlé, il m'a dit ouh, c'est médiocre tout ça. Je te prends avec moi, voilà. Non, mais la plus culturelle, oui, les cultures séries, culture autour de la série télé et du cinéma, c'est normal que ça vienne dedans. Je baigne pas mal dedans depuis l'enfance. On a tous baigné dedans, dans les comics, dans les séries télé récentes. Là, je crois que si jamais on ne l'aimait pas à un moment donné, c'est que bon. Hein, quand même. Enfin, on est toujours baigné par les références, enfin baigné. Ah, mais c'était une évidence, bon, de faire Le Parrain, parce que ouais, quand je parle du comic d'usine, voilà, et hein, c'est comme le soldat mafieux, voilà, dans Le Parrain, le gars, il lui dit, tu le tues. Et voilà, il y va, il réfléchit pas, il fait les choses, donc le comic d'usine, c'est un peu. C'est un peu comme celui qui va exécuter tout ce que demande le parrain. Voilà, après la référence à Walter Bishop, ça tombe bien sous le sens, ça détient un peu le mec qui fait sa propre petite cuisine, où il réinvente un caramel à base de cervelle de vache, tout comme ça, ça pouvait tomber que sous le sens de pouvoir... Walter Bishop, c'est vrai que c'est un personnage un peu spécial, hein, mais ça m'a surpris sur le coup de le voir, je me dis, tiens... Ah ouais, quoi, c'est pas vraiment le personnage que t'attends à voir dans une BD, quoi. C'est sûr, c'est évident, il faut le voir en BD. Je crois qu'on peut faire un truc, on peut inventer même encore un personnage à partir de cette folie que possède Walter Bishop, ce personnage dans Fringe. Il y a quelque chose à faire, ça c'est certain. D'ailleurs, tous ceux qui n'ont pas regardé Fringe, jetez-vous sur cette série, hein. Franchement, je pense que tu seras d'accord. Hein. Ah bah oui, c'est comme regarder X-Files, mais là c'est encore, ça va encore beaucoup plus loin. Elle a ses petits défauts, mais elle reste très très... Des défauts, je n'en ai pas vu. Ah ouais, ah, on en reparlera. Parce que Olivia Bonham, je crois pas que ce soit qu'elle ait un défaut physique. C'est pas un défaut, non, ça c'est sûr. On va revenir sur ta BD, hein, on va arrêter de hors sujet. C'est quoi ta méthode en fait pour diffuser sur internet, parce qu'on sait qu'il y a un peu plusieurs styles. Enfin, il y en a qui font ça sur l'ordinateur, il y en a qui font ça d'abord sur papier qui après je pense qu'ils scannent et après ils mettent ça sur internet. C'est quoi à peu près ta méthode pour mettre les publications en ligne comme ça, parce que c'est jamais vraiment évident, hein, pour un truc qui est censé être dessiné à la main, de finir ça, de donner un bon rendu sur ordinateur. Ben, je dessine directement dans Photoshop, directement, avec une forme de pinceau. Oui, le stylet. On appelle le crayonné, en enlevant de l'opacité, voilà. Après, je crée un calque bleu pour éclaircir un petit peu plus. Se crayonner, peut-être l'appuyer un petit peu plus après en enlevant un côté mouillé du pinceau, du crayon même, carrément, parce que j'utilise que le petit crayon. Et voilà, après, ça part tout seul. Mais les méthodes, il y a des méthodes qui changent, qui évoluent. C'est vrai que le fameux calque bleu, enfin, rempli bleu, que je mets par-dessus, que je mets en masque d'écrutage, ce qu'on appelle un masque d'écrutage, en faisant un petit clic. On va faire un tuto Photoshop, là, en fait. Allez, tuto tuto, c'est parti. Voilà, donc, j'ai appris ça en regardant une vidéo de l'artiste, la dessinatrice italienne Sara Piccelli, que j'adore et que j'embrasse, qui dessine Ultimate Spider-Man et Spider-Man et Garden of Galaxy actuellement à la Marvel. Donc voilà, et donc j'ai vu sa petite méthode avec ce calque bleu en plus, et que j'ai remarqué après chez d'autres artistes américains en regardant leur fameux making of. Donc ouais, c'est voilà, et donc j'utilise beaucoup cette technique. Donc tout se fait à l'ordi, il n'existe aucun dessin original, j'allais dire, sur papier. À part quelques gribouillis des fois, quand je suis pas sur Photoshop, qui n'est pas ouvert, voilà, je fais quelques petits croquis des fois, un peu plus érotiques de mon personnage. La cuisine de Tiffany, mais version hot. Version hot de cuisine. Ah oui. Pardon. C'était la WWE. c'était terrible, là. Je savais que ça a fallu son passage. Ouais, là, c'est la Juice of the Week, ouais, pour ceux qui... Que j'embrasse. Oh là là, c'est méchant, c'est pas bien. Il est très sympathique, Christophe Ajus, pour ceux qui connaissent, c'est le présentateur de l'émission Puissance Catch. Enfin, il présente un peu toute la WWE en compagnie de Philippe Chéreau. C'est la voix française de la WWE. Exactement. Et c'est le toutou, c'est le babe de Vicky Guerrero. Vicky Guerrero, donc là on est rentré dans le cage, donc ceux qui connaissent pas ça. Voilà. Je voudrais revenir un petit peu sur le format de ta BD, en fait. T'as adopté un format un peu... On va dire un format court, quoi, de 3 cases. T'as jamais eu envie de faire des plus longues histoires, peut-être, de faire un truc un peu plus scénarisé, une histoire un peu plus longue. C'est peut-être compliqué avec le thème de la cuisine, je sais pas, mais... Non, c'est pas plus compliqué que ça. C'est peut-être moi qui ai la flemme, parce que je suis feignasse, je suis du sud de la... T'es du sud en même temps. Voilà. Ça, c'est l'attaque pour tout à l'heure, hein, c'est pour le nord. Mais pourtant, on dit Didier Tarquin aussi, il est du sud, ou mon ami Guillaume Bianco aussi, qui est de Solliès, mais qui habite sur Aix-en-Provence. Donc voilà, ils font de très bonnes histoires, complètes, bien fouillées, bien détaillées. Lisez Billy Brouillard, sinon je vous tue. et on a la mafia, donc c'est attention, hein, on rigole pas. Lisez, voilà, c'est. Guillaume Bianco, tout Billy Brouillard, ou quoi. Ou même autre chose, quoi, tout ce qu'il fait, lisez. Sinon, il va venir vous tuer. Guillaume Bianco, voilà. Tu reçois des royaumes. Alors, là, si vous n'avez pas compris, c'est normal, moi non plus. La collection Métamorphose, je ne connais pas, donc je sais pas. Tu peux parler un petit peu, c'est quoi la collection Métamorphose? La collection Métamorphose est une collection, on va dire, très libre dans son format. Ah, c'est un peu dans des livres, on va dire, qui sont faits pour être rangés dans la bibliothèque, un peu, genre celle du grenier, ou d'accord, celle de nos grands-parents. C'est pas mettre sous les yeux des enfants, quoi, en gros. Si, parce que c'est jeunesse. Ah, d'accord. Il y a un côté jeunesse, et puis après il y a d'autres histoires d'être un petit peu plus sombres, un peu plus adolescentes, un peu plus adultes, sur quelques trucs, mais non, c'est une très bonne collection avec de très très bons artistes, de très très bons dessinateurs, dessinatrices que j'ai pu croiser à un moment donné. Et c'est vraiment, vraiment, c'est des bouquins à lire. On les trouve, on trouve Billy Brouillard, on y trouve Ant, là, de Barbara Kukendepa, pour ceux qui, ça a un succès incroyable. Qu'est-ce qu'on y trouve? Collection Métamorphose. L'artiste belge, espagnol, hispano-belge, allemand, Malarenas, avec Yaxine Le Fon, etc. Donc il y a vraiment de très, très, très, très, très, très, très, très belles choses. Ouais. On vous mettra aussi un lien vers Google pour tous les noms, vous les retaperez sur Google. Je pense que, bon... C'est Métamorphose, c'est une collection de chez Soleil. Donc, vous allez sur le site Soleil. D'accord. Voilà. Sur Facebook, Métamorphose, puis vous trouverez bien... De toute façon, hein, tout est trouvable sur Internet. Hein. On vous fait confiance. Il n'y a pas de souci. Sinon, pour revenir à la BD, quel est un petit peu ton objectif avec cette BD? Tu voudrais qu'elle soit publiée ou... Oui. Okay. Je voudrais qu'elle soit éditée. Là, pour l'instant, j'ai que des refus. Ah. Même chez des éditeurs un petit peu plus petits, j'ai fait des gros comme les Val. Les gros, pour l'instant, ne m'ont pas répondu. Hein, du Puis, le Lombard. C'était que ça. Soleil ne m'a pas répondu non plus. Je crois que j'avais Bangou qui m'avait répondu, mais ça du moins ils avaient bien aimé. Mais ils n'avaient pas le temps, ils avaient d'autres projets à éditer, donc c'était pas bon, ça rentrait pas dans la ligne. Après là, maintenant ils me répondent, je sais plus, mec, qui m'a répondu que ça ne correspondait pas à la ligne éditoriale. Alors. Ah, c'est un peu la réponse un petit peu. Alors, on ne sait pas quoi vous répondre. En fait, ça ne correspond pas. Ça, on s'y fait ça quand même. Éditorial, je ne sais pas. C'est pas correspond à l'anime éditorial. Par exemple, bon, je sais que je ne vais pas envoyer chez Casterman, parce que bon, je sais qu'un éditorial est tout autre là-bas. Donc c'est sûr qu'à les éditeurs, il faut mieux éviter d'en envoyer, parce que bon, on sait que ça va pas le faire. On connaît la réponse tout de suite. Donc, mais je sais pas, je verrai un jour, mais peut-être que je pense un petit peu maintenant à l'auto-édition maintenant, bon, trouver le genre de site où l'éditeur est... Il y a plusieurs... Est à moindre coût pour en faire au moins peut-être une cinquantaine d'exemplaires pour... Ou peut-être les sites sur Internet qui proposent... Ah oui, mais justement, ça coûte cher, j'ai vu des Ouais. sur certains sites en faisant le calcul virtuel... à 15 exemplaires, on arrive déjà à 200 euros. Ça va vite, ouais. Et forcément, le prix derrière. Le prix derrière, c'est pas comme l'étude de que tu vas le fixer beaucoup plus cher que l'intégrale de Torcal. Hein. C'est pas terrible. Voilà. C'est la BD qui coûte plus cher qu'un coffret DVD. C'est un peu. C'est ça. Ouais, c'est sûr que c'est un peu réaliste, ouais. Mais voilà, t'expliques un peu comment ce refus des éditeurs. Je n'en ai aucune idée, parce qu'ils espèrent surfer sur des tendances. Alors en ce moment, bon ben on a. Pourtant, la cuisine c'est un vaste sujet, hein, avec Masterchef, tout ça qui passe. Ouais, bien sûr, la cuisine ça marche à fond. Ouais. Ils ont que je ne sais combien de chroniques et d'émissions. Avec le dîner presque parfait, tout ça. TF1 aussi, des émissions du culinaire. France 2 s'y est mis aussi. Donc, France 2, France 3 depuis longtemps, France 3 qui aide, parce qu'ils se souviennent avec Maïté. Voilà, Jean-Pierre Coff était chez Michel Drucker. Ça, c'est pas un des plus grands souvenirs de la télévision. Hein. Non, sur Canal Plus, quand il disait ce genre de poly peut se fâter, c'est de la merde. Voilà. Il sait dire que ça, de toute façon, Jean-Pierre Coff. Il dit que c'est de la merde et c'est tout. Ah oui, il est calme. Quand on comparait à l'époque Canal, il est beaucoup plus calme, Coff. Aujourd'hui, mais bon, on lui reproche d'être discounté. Bon, allez, c'est rien. Donc voilà. Non, mais voilà, oui, donc pour les éditeurs, voilà, j'essaie de poser la question. Les éditeurs, mais je sais pas, oui, donc ils sortent des tendances, alors ils pensent que ça y est, parce qu'il y a eu le bleu, est une couleur chaude, alors ça y est, c'est la Valmont d'or à Cannes. Alors il faut sortir à tout prix des bandes dessinées avec le mot lesbienne à l'intérieur. Moi, j'ai rien contre. Hein, après, tu fais une BD sur les AC doubles. Non, elle est moche. Mais elle apparaît partout, au moins. Là, c'est sûr, c'est dans les tendances actuelles. Hein. C'est certain. Il n'y a pas plus actuel qu'elle. Hein. Non, c'est pas une tendance. C'est éphémère. Demain, on verra une autre actrice qui fera une autre performance ailleurs. Et puis voilà. Non, mais voilà, c'est dire que la tendance, ça y est, parce que depuis bleu est une couleur chaude, alors ça y est, maintenant, il faut trouver la BD où ça parle un peu d'esprit lesbien. Pourtant, Manara le faisait longtemps avant, hein. Ou alors parce qu'il faut surfer sur le côté girly, il faut des filles dans la bande dessinée, alors on publie des BD girly, à fond la caisse, en fonction, voilà. Ou alors, et le problème c'est de ce genre de BD là, c'est qu'elles se copient toutes. Elles se copient toutes au niveau du style. Alors, bien sûr, on peut citer Pénélope Bagieux, mais après on met Divide à côté, on met Paco et je sais plus qui encore à côté encore. Là, tu fais même plus la différence. Se copient tous, inspire. C'est même plus de la BD, j'essaye de bouleverser peut-être des codes de la BD, je sais pas comment, mais c'est pas possible, il bouleverse rien. Ah. Willy Eisner, lui, a fait des codes de la BD, il a explosé tout ça, dans la BD américaine, qui est retombée après en France, dans le journal de pilote, où on voit un Fred avec Philémon qui fait des débords complets, Jean Solé qui fait des dessins qui ont ni queue ni tête, et puis voilà. Donc, graphiquement, d'un coup, il y a une explosion, après on prend Tailleur Allant, Drouillet, etc. Ouais. Et voilà, je veux dire, c'est ce fil-là, enfin voilà. C'est un monde assez vaste quand même, la BD, de toute façon. Mais le pire, c'est que ça se plante, on croit à des choses, mais elles se plantent derrière. Les lois du marché. À part Pénélope Bagieux, ça va, elle explose, on est pour eux. Tantien Morel, elle a fait une BD avec Joan Sfar. Je n'ai pas lu, mais bon, peut-être qu'elle est de qualité. Mais moi, je regarde par exemple quelque chose comme Fuite.g. Ça fait quoi, 4 numéros, et puis au revoir. La fille, elle est partie, enfin, la rédactrice en chef, elle a quitté Fuite pour aller chez Delcourt. Elle a fait bisous, ça a tenu quoi, deux numéros et ciao. C'est sûr que, ouais. C'est un petit peu comme à la télé, quoi. Tout se normalise un petit peu dans ce genre-là. C'est un peu, on essaye et on voit si ça passe. Si ça passe pas, on arrête et voilà, quoi. C'est un petit peu. Ouais, la même ambiance, quoi, je pense, non? Ah, ils font deux, trois albums et puis ça s'arrête. Ouais, c'est assez éphémère. Parce qu'à un moment donné, le contrat dit, bon, allez, on vous fait jusqu'à deux, trois albums. Et puis voilà, après, bon. Si ça marche, on continue. Si ça marche pas, voilà. on va essayer de finir sur une note un petit peu plus positive. T'as un petit dernier mot pour la fin, peut-être pour ceux qui vont te découvrir peut-être un petit mot sur un projet ou sur autre chose. C'est un peu ta minute, quoi. C'est vas-y, là, tu parles de ce que tu veux. Oh, je vais juste dire cette phrase de Art Spiegelman qui l'a prononcé cet été lors d'un panel sur la bande dessinée par la presse américaine, donc c'était à Solesville. Et moi, je suis d'accord avec lui, j'en parlais même avec lui quand j'étais à la dédicace. Le meilleur de la BD, c'est dans le passé. Voilà. C'est sur cette note donc très optimiste sur la BD qu'on va achever cette interview. Bon, on espère pas vous avoir cassé le moral hein, sur la BD, parce que bon, là en gros, c'est lisez ce qui est passé, quoi. Bon, Bon, on vous encourage en tout cas à lire la cuisine de Tiffany. C'est... Ah, mais en fait, ce que Arthur Gellman disait, c'est que lui il préfère avoir le bouquin, l'objet en main, ouais, plutôt que de l'avoir sur un écran tactile ou quoi. Ah, d'accord. Moi, ouais. je ne suis pas contre tout ce qui est tactile, vraiment que c'est bien fait, que c'est. Tu l'utilises en même temps. D'un coup, la bande dessinée, elle ne reste pas fixe, elle peut s'animer un brin, voilà. Donc. C'est ça qu'il faut un peu maintenant réfléchir. Ça se fait déjà, du moins par le biais, je sais plus quel titre déjà, qui est une BD qui est tout en noir et blanc. Je crois que c'était chez Delcourt d'ailleurs, où on pouvait zoomer avec les doigts, machin. Donc, ah, intéressant. Voilà. Sur une, mais c'était que visible sur les tablettes iPad, malheureusement. Peut-être que maintenant ils ont fait des updates pour les autres tablettes. Peut-être. Peut-être qu'il faudrait que la BD numérique, quand elle veut être publiée sur un iPad ou sur un smartphone, reste quelque chose d'original. Elle reste quand même plus un peu poussée plus loin qu'un dessin qui reste fixe. Ouais, c'est utiliser le format, quoi. C'est un petit peu. Profiter de quelques logiciels en plus. Même si ça reste Photoshop, on peut faire de l'animation, mais bon, ça reste un peu gif. C'est pas. Peut-être une minute, peut-être du 24 images secondes sans soupirer par exemple sous After Effects. On peut importer un fichier en format brut de Photoshop qui est le PSD avec les différents calques, avec les différents plans, tout ça, et pouvoir animer un petit peu, rajouter des particules à un moment donné avec une texture qui correspondrait à un des éléments du dessin, etc., faire bouger un petit peu les choses. Je crois que si on peut arriver à faire quelque chose comme ça dans la bande dessinée aujourd'hui, si on veut peut-être la publier de façon un peu plus originale, un peu plus dans une version numérique, plutôt que de s'arrêter à une case avec la bulle et on la regarde pendant 10 minutes dans le comprend ce qui se passe dans le dessin, puis voilà, puis ça passe pour rien. Et peut-être qu'un jour, peut-être aussi, pour attendre ces cases-là, de ces petits, enfin, petit peu. La BD deviendrait presque un film d'animation. C'est vrai que là, il faudrait faire attention à ne pas franchir le cap des deux genres, quoi, que ça reste quand même de la BD. Oui, mais bien sûr, au niveau de la lecture, en faisant une case par case, c'est-à-dire que d'un coup, c'est ton doigt qui va faire bouger la page, qui va faire bouger le personnage un petit peu, ou l'écran, voilà, ça va faire bouger la case pour arriver à l'autre, etc., par voilà, petite magie comme ça. Mais voilà, donc c'est peut-être qu'un jour aussi, ces BD-là seront en 3D, on pourra la lire avec les lunettes. Waouh. Donc déjà, c'est une vision un peu plus optimiste, là, c'est quand même. Ah non, c'est un truc, hein, que je. Ouais, on peut en parler, c'est pas. Moi, je suis pas tant pour ça, moi, pour ce genre d'expérience, là, je vais essayer d'ailleurs. Tiens. On va peut-être en faire un autre podcast ou un truc comme ça, parce que sinon, il y aurait 3 heures. Désolé, mais voilà, là, on. Bon, alors, lisez la cuisine de Tiffany. Bah, on va rester là-dessus, parce que sinon. Ou vous lisez ça, on trouve partout, alors même avec le. Ou même. J'ai mis dans les mots-clés à chaque fois le mot cuisine, donc. La cuisine de Tiffany, donc Tiffany c'est avec deux F et un N. De toute façon, on mettra ça en lien, il y aura tout sera disponible. Y aussi, je crois. Oui, il y a plusieurs lettres dans ce nom, il me semble. Voilà. On va vous mettre ça en ligne. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, vous pouvez aussi aller sur le blog de Jugraf. J'ai plus. Ouais, mais là c'est plus. Ouais, c'est un peu freestyle, mais bon, c'est bien. C'est moi qui peux faire autre chose que la bande dessinée. C'est toujours intéressant d'aller voir, quoi. C'est tout. On peut me faire des commandes pour ceux qui veulent des associations ou des gens qui veulent des posters, des trucs comme ça, des flyers. C'est une autre part de moi, plus graphiste, 2D, un petit peu 3D. Et voilà, c'est cet aspect-là sur mon blog, qui est aussi en version page Facebook, sur mon nom, donc. Ouais. Bah, de toute façon, t'es aussi disponible sur Twitter. Vous pouvez le suivre sur Twitter, Julien, donc, c'est @jugraf. Donc, on mettra aussi le lien. T'as une page Facebook, j'ai pas regardé. Ma page Facebook, c'est Julien Alès. Voilà, donc. On mettra ça en lien aussi, il n'y a pas de souci. C'est une amie qui me l'avait créé pour être genre, ouais, on est tous fans. T'as repris en main. J'ai un peu plus repris en main, et donc voilà, du coup, là, c'est une belle allure. Et une meilleure présentation. Ouais. Bon. Bah, c'est surtout un appel à un éditeur, même un petit éditeur. Ouais. Pour, c'est vrai, ouais. On va publier à l'usine de Tiffany parce que ça mérite d'être dans toutes les bonnes cuisines. je suis soutenu par Cuisine Plus et par le Larousse de la cuisine. Putain, le Larousse de la cuisine adopte largement ce blog, même s'il n'en parle pas. ils sont là, mais ils en parlent plus. De liens de temps en temps. Voilà. Même moi, j'essaye d'approcher un petit peu des éditions de Milan. Donc, j'essaye un peu de voir, mais pour l'instant, j'ai pas de réponse non plus. C'est compliqué, hein. Ouais. Même pourtant, c'est une BD jeunesse, hein, je veux dire. C'est vrai, c'est pas, ouais, c'est pas forcément très sombre ou quoi. C'est vraiment léger, hein. Franchement, allez voir. Le ton est très sympathique, franchement, bon. Après, ça plaît ou ça plaît pas, hein, c'est toujours les goûts et les couleurs. Mais bon, bah, c'est vraiment très sympathique et on vous invite chez Culturama à aller voir et à vous faire votre propre avis, hein, de toute façon. C'est toujours comme ça, hein, c'est chacun son avis et voilà. En tout cas, ben, Julien, je vais te remercier pour avoir participé à cette interview. C'est très sympathique à toi. On va mettre tous les liens disponibles pour faire ta promo. On espère que tu vas avoir un éditeur, parce que je pense vraiment que tu le mérites. Et ben, voilà, un grand plaisir de on fait d'avoir ce pays. À Michel Drucker, s'il peut m'organiser un vivement dimanche, de manière à ce que. On va faire un appel à tout le monde, on va envoyer ça à tout le monde, enfin, s'il vous plaît. Enfin voilà, c'est. Je vais demander à mon ami Eric Nolo. Eric Nolo, je t'embrasse, mon ami. S'il écoute ce podcast, non. Ah ben je vais lui envoyer le lien. Ah ben non. Très sympa. Je vais envoyer le lien pour le podcast à Eric. Regarde, je parle de toi. Et en bien. Donc, ouais. Eric Nolo, c'est un homme extraordinaire. Ouais, voilà. J'adore le lire. Voilà. Regardez son émission, ça balance à Paris. Voilà, j'aime Eric Nolo, je suis fan d'Eric Nolo. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde, hein. Il y en a certains qui sont pas forcément du même avis. Hein. Bon. Bah, en tout cas, on vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. On vous dit à la prochaine, peut-être avec encore un dessinateur BD, où on verra si on change de sujet ou pas. Un grand merci, puis à la prochaine. lackluster. Waiting for a new home, waiting for a new bone, it's up north.